La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Bonsoir à tous et bienvenue sur la radio des bons coups. Vous êtes avec Louison pour la lecture du soir. Et ce soir, on va entamer un roman d'Agatha Christie qui s'appelle Christmas Pudding. Chapitre 1er. Je regrette infiniment, commença Hercule Poirot. On lui coupa la parole, sans grossièreté, une interruption aimable, faite pour persuader et non pour contredire. Je vous en prie, monsieur Poirot, ne refusez pas sans avoir réfléchi. Il s'agit d'une affaire grave, d'une affaire d'État. On appréciera votre coopération dans les plus hautes sphères. Hercule Poirot fit un geste de la main. « Vous êtes trop beau, mais vraiment, je ne puis accepter de faire ce que vous me demandez en cette saison. » Monsieur Gessmont l'interrompit de nouveau et entreprit de le séduire. « Au moment de Noël, un vrai Noël d'autrefois, dans la campagne anglaise. » Poirot frissonna. La campagne anglaise en décembre ne le tentait pas. Monsieur Gessmont insista. « Le vrai Noël traditionnel. » « Moi, dit Poirot, je ne suis pas anglais. Dans mon pays, Noël, c'est pour les enfants. » Le jour de l'an, voilà notre jour de fête. Ah, mais en Angleterre, la fête de Noël est une tradition admirable. Et je vous assure qu'à King's Lassie, vous la verrez célébrée d'une façon unique. C'est une vieille maison étonnante. Pensez qu'une des ailes date du XVIe siècle. Poirot frissonna de plus belle. L'idée d'un château du XVIe siècle le terrorisait. Il avait trop souvent gelé dans des demeures historiques anglaises. Il jeta autour de lui un regard heureux. Dans son confortable appartement londonien, il avait fait installer les radiateurs les plus modernes et les systèmes brevetés les plus efficaces pour supprimer les courants d'air d'où qu'ils viennent. « En hiver, je ne quitte pas Londres », déclara-t-il catégoriquement. « Je crois, monsieur Poirot, que vous n'appréciez pas exactement la gravité de cette affaire. » Alors, avant de lever les yeux sur Poirot, monsieur Gessmont avait regardé rapidement son compagnon. Sauf un « comment allez-vous » poli et banal, celui-ci n'avait pas encore dit un mot. Les yeux baissés, il contemplait ses souliers luisants comme des miroirs. Un accablement total se lisait sur son jeune visage couleur de café. Il n'avait pas plus de 23 ans et se trouvait évidemment dans la plus sombre détresse. « mais si, dit Poirot, l'affaire est des plus sérieuses. Je m'en rends fort bien compte. Je suis de tout cœur avec son Altesse. »« Ta situation est particulièrement délicate, » déclara M. Gessmont. L'attention de Poirot se reporta sur le plus âgé de ses visiteurs. Un mot suffisait à dépeindre M. Gessmont. La discrétion. Tout en lui était discret. Ses vêtements bien coupés, mais que rien ne faisait remarquer, sa voix plaisante et distinguée, et qui s'élevait rarement au-dessus de l'agréable monotonie. Ses cheveux châtains, qui commençaient à s'éclaircir aux tempes, son visage grave et pâle. Hercule Poirot pensa qu'au cours de sa vie, il avait rencontré non pas un monsieur Gessmont, mais une douzaine, et que chacun d'entre eux, tôt ou tard, avait prononcé la même phrase. Une situation particulièrement délicate. La police peut être tout à fait discrète, vous savez, dit Poirot. Gessmont secoua la tête. « Non, pas la police, » dit-il. « Pour retrouver ce que nous voulons retrouver, il faudrait presque inévitablement recourir aux tribunaux. Et nous savons si peu. Nous soupçonnons, nous ne savons pas. »« Vous avez toute ma sympathie, » répéta Poirot. Et si le Belge s'imaginait que sa sympathie avait une valeur quelconque pour ses deux visiteurs, il se trompait. Ce n'était pas de la sympathie qu'il voulait, mais une aide positive. Monsieur Gessmont revint aux délices du Noël anglais. « C'est une tradition qui se perd, vous savez. » que celle du vrai Christmas, tel qu'on le célébrait jadis. De nos jours, les jeunes réveillonnent dans les hôtels, mais un Noël anglais, avec toute la famille réunie, les enfants et leurs bas pleins de cadeaux, l'arbre de Noël, les dindes, le plum pudding, les papillotes avec les pétards, le bonhomme de neige devant la fenêtre. Par souci de l'exactitude, Hercule Poirot protesta. « Pour faire un bonhomme de neige, il faut avoir de la neige, » dit-il prosaïquement. « Et on ne peut pas l'avoir sur commande, même pour un Noël anglais. » Pas plus tard que ce matin, je bavardais avec un de mes amis qui est à l'office météorologique. Et il m'a assuré qu'on prévoyait de la neige pour Noël, répliqua M. Gessmont. Ce n'était pas ça qu'il fallait dire. Hercule Poirot se mit à frissonner plus violemment que jamais. La neige à la campagne, s'écria-t-il. Ce serait encore plus abominable, une grande maison toute en pierre, glaciale. Mais pas du tout, reprit M. Gessmont. Les choses ont bien changé pendant les 10 dernières années. Il y a le chauffage central au mazout à King's Lassie. « Le chauffage central au mazout ?» répéta Poirot. Et pour la première fois, il paraissait ébranlé. Monsieur Gessmont saisit l'occasion. « Mais bien sûr, des radiateurs dans toutes les chambres. Et l'eau chaude, bouillante, partout. Je vous l'assure, mon cher monsieur Poirot, King's Lassie est délicieusement confortable en hiver. Vous risquez même de trouver qu'il fait trop chaud dans la maison. C'est peu probable, dit Hercule Poirot. Avec une habileté consommée, M. Gessmon modifia légèrement l'orientation de l'entretien. Vous vous rendez compte du terrible dilemme dans lequel nous nous trouvons, dit-il sur le mode confidentiel. Hercule Poirot approuva d'un signe de tête. Le problème n'avait, en effet, rien d'agréable. Un jeune prince, futur potentat, fils unique du gouvernement, d'un important état oriental, était à Londres depuis quelques semaines. Son pays venait de traverser une période d'agitation et de mécontentement. Bien que loyal à son père, constamment fidèle au mode de vie oriental, la population doutait quelque peu de celui qui représentait la nouvelle génération. Ses folies de jeunesse avaient été de style occidental, et à ce titre désapprouvées par l'opinion publique. Récemment toutefois, on avait annoncé ses fiançailles avec une jeune fille du même sang que lui, qui, bien qu'instruite à Cambridge, ne laissait paraître depuis son retour dans son pays aucune influence occidentale. Le jour du mariage était fixé, et le jeune prince s'était rendu à Londres, apportant avec lui quelques-unes des admirables pierres de la couronne pour confier à Cartier le soin de les mettre mieux en valeur dans des montures modernes appropriées. Parmi ces gemmes se trouvait un rubis de renommée mondiale, auquel le célèbre joaillier, après l'avoir retiré d'un collier archaïque et lourd, avait donné un aspect tout nouveau. Jusque-là, tout allait pour le mieux. C'est ensuite que commencèrent les difficultés. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'un tout jeune homme d'humeur joyeuse et doté d'une énorme fortune s'abstiendrait de quelque légèreté. Nul ne songeait à l'en blâmer. C'est ainsi que les jeunes princes sont censés se distraire. S'il emmenait la belle amie de quelques jours faire un tour à Bond Street, il lui offrait un bracelet d'émeraude ou un clip de diamant en remerciement des instants agréables passés avec elle. Ce serait considéré comme naturel et même convenable. Cela correspondait à la cadillac que son père offrait invariablement à la danseuse qui avait su lui plaire. Mais le prince s'était montré beaucoup plus inconsidéré. Flatté de l'intérêt que lui témoignait la belle, il lui avait montré le fameux rubis dans sa nouvelle monture et, finalement, avait poussé l'imprudence jusqu'à lui permettre de le porter. Rien qu'un soir. La suite fut courte et triste. La demoiselle avait quitté pour un instant la table où il soupait, sous le prétexte de se poudrer le nez. Le temps passa sans qu'elle reparût. Elle avait quitté l'établissement par une porte dérobée et, depuis lors, s'était volatilisée dans l'espace. Chose plus importante et plus douloureuse, le rubis s'était volatilisé avec elle. Tels étaient les faits. Les rendre publics auraient entraîné les plus graves conséquences. Ce rubis n'était pas seulement une pierre admirable, il faisait partie d'un patrimoine historique dont la signification apportait plus encore que la valeur. Et les circonstances de sa disparition étaient telles que d'en parler risquait de déchaîner les complications politiques les plus sérieuses. Monsieur Gessmon n'était pas homme à les exposer en termes clairs. Il les enveloppa de circonlocutions et d'un interminable verbiage. Qui, au juste, était Monsieur Gessmon ? Hercule Poirot l'ignorait. Il avait rencontré bien d'autres Monsieur Gessmon dans sa carrière. Relevait-il du ministère de l'Intérieur, de celui des Affaires étrangères ou d'un service encore plus secret de l'administration ? Cela n'avait pas été spécifié. Il agissait dans l'intérêt du Commonwealth. Il fallait retrouver le rubis. Il dit enfin, avec une assurance pleine de délicatesse, « Monsieur Poirot, vous seul pouvez le retrouver. » Poirot l'admit. « Peut-être, oui. Mais ce que vous me dites est si peu de choses. Des impressions, une vague suspicion, c'est peu comme point de départ. Allons, monsieur Poirot, ce n'est sûrement pas au-dessus de vos capacités. Voyons, décidez-vous. » « Je ne réussis pas toujours. » Fausse modestie. Le ton de Poirot laissait entendre que pour lui, entreprendre, c'était presque synonyme de réussir. Son Altesse est très jeune. Il serait désolant que sa vie entière fût gâchée pour une simple inconséquence de jeunesse, dit Monsieur Gessmon. Poirot regarda gentiment le garçon effondré dans son fauteuil. « Quand on est jeune, c'est le moment de faire des folies, » dit-il avec indulgence. « En général, ça a moins d'importance. Le papa paie, le notaire de la famille est là pour aider à débrouiller l'affaire. Le jeune homme y gagne de l'expérience et tout finit bien. Dans une situation comme la vôtre, c'est vraiment pénible. Votre prochain mariage... » « Mais c'est ça !» C'est justement ça. Pour la première fois, les mots se pressaient sur les lèvres du jeune prince. Vous comprenez, ma fiancée est très sérieuse. Elle ne plaisante pas avec les devoirs de la vie. À Cambridge, elle a acquis beaucoup d'idées nouvelles. On créera des écoles dans mon pays. L'instruction sera accessible à tous. Et beaucoup d'autres choses. Tout cela au nom du progrès, de la démocratie. Elle dit que ce ne sera plus comme du temps de mon père. Elle sait qu'à Londres, je prends des distractions. Mais il ne faut pas de scandale. Non, bien sûr, jamais de scandale, c'est ce qui importe. Vous comprenez, ce rubis est connu dans tout l'univers. Il a une longue vie derrière lui dans l'histoire. Beaucoup de sang a été répandu à cause de lui. Beaucoup de gens sont morts. Des morts ? Dit Hercule Poirot. Il faut espérer que nous ne verrons plus ça. Il regarda M. Gesmond. Celui-ci émit un petit gloussement, un peu comme une poule qui aurait décidé de pondre un œuf et se serait ravisée. Puis il dit, l'air un peu guindé, « Non, non, certainement. Il n'est question, j'en suis sûr, de rien de semblable. » On ne peut jamais être sûr, dit Poirot. Quel que soit le détenteur actuel du rubis, il peut y avoir d'autres personnes qui le convoitent, et que de telles bagatelles n'arrêteraient pas mon bon ami. Gesmond reprit d'un air plus guindé que jamais. Je ne crois pas que nous devions envisager une éventualité de cet ordre. Moi, savez-vous, dit Poirot, redevenu soudain très belge, je suis comme les politiciens. J'envisage toutes les possibilités. Monsieur Gesmond le regarda une seconde, avec perplexité, puis se ressaisit. Je peux donc considérer que nous sommes d'accord, monsieur Poirot ? Vous irez à King's Lassie ? Comment expliquer ma présence là-bas ? Monsieur Gesmond sourit. Je ne crois pas que cela pose de problème, dit-il. Je puis vous assurer que tout paraîtrait absolument naturel. Les Lassie sont des gens charmants, vous les trouverez sûrement agréables. Et vous ne me racontez pas d'histoire avec le chauffage au mazout ? Monsieur Gesmond parut vraiment attristé. Non, mais non, je vous promets que vous trouverez là-bas tous les conforts. Tout le confort moderne, grommela Poirot ? Eh bien, j'accepte. Et c'est ici que se termine notre lecture du soir sur la radio des Goncons. On se retrouve demain pour le chapitre 2. Bonne soirée. La lecture du soir sur la radio des Goncons. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Bonsoir. Et bienvenue dans cette chronique lecture sur Radio Goncons. Ce soir, je vous invite à me suivre dans les aventures sulfureuses du docteur Melcy Jackson, une jeune femme en proie aux affres de la passion, qui ne saurait vous laisser indifférent ou indifférente. Ou peut-être que si, parce que bon, c'est une collection Harlequin, faut pas déconner non plus. Mais bon, c'est l'occasion pour vous de vous ouvrir un tout nouvel univers, troublant et mal écrit. Et puis qui sait, ça vous aidera peut-être à vous endormir avant minuit, ce qui vous permettra d'être réveillé, frais et dispo pour la matinale de Radio Goncons demain. Et ça, ça fait plaisir. Alors, je vous invite tout de suite à me suivre pour le chapitre 1. L'urgence de la situation ne souffrait aucun retard. Le docteur Macy Jackson avait beaucoup de mal à réfréner son impatience tandis qu'elle roulait au ralenti dans les rues sombres et ravagées de Lindenville, en Caroline du Sud. Des arbres arrachés, des branches tombées et d'autres débris d'origine indéfinissable jonchaient les chaussées. Plusieurs rues étaient coupées et les rayons des phares révélaient des dégâts impressionnants. Enfin, la jeune femme atteignit le parking de camion Farron, l'endroit le plus gravement frappé par la tornade, et sa gorge se serra douloureusement. Dans la lumière intermittente des éclairs de la tempête qui s'éloignait, on distinguait des poids lourds renversés, leurs tôles tordues et aplaties comme celles de simples boîtes de conserve à recycler, et des pompiers tentaient d'éteindre les incendies provoqués par l'essence échappée des réservoirs. Pouvait-on seulement trouver des survivants dans ce chaos ? Elle descendit de voiture. L'écho d'une sirène résonnait dans l'air froid et chargé de pluie, où flottait l'odeur âcre du feu. Elle repéra la lumière bleue d'une voiture de shérif, et dans le faisceau des phares, la jeune femme distingua plusieurs victimes serrées les unes contre les autres ou étendues sur le sol jonché de débris. Elle se dirigea dans cette direction. Un homme grand, aux cheveux bruns très courts, au torse dénudé magnifiquement musclé et luisant de pluie, tirait sur les tôles tordues et déchirées de ce qui avait dû être un mobilhome. Les reflets rouges et bleus des feux et de la voiture de police lui donnaient un aspect presque diabolique. Bientôt, il sortit du tas de métal enchevêtré une petite forme indistincte. « Qui est-ce ? » demanda Messi à l'insistant du shérif. « Je n'en sais rien. Il a dit qu'il avait des notions de secourisme, et comme nous n'avions personne d'autre sous la main... »« C'est une chance qu'il se soit trouvé là, » observa distraitement Messi en se penchant sur le premier blessé. Heureusement, il ne souffrait que d'une légère entorse, et il commençait à récupérer de la terrible peur qu'il venait d'avoir. « Je pense qu'il n'y a plus personne dans les débris. » dit soudain une voix grave en déposant près d'elle une petite fille tremblante, aux vêtements trempés de pluie. Le cœur de Messi fit un bond, tandis qu'elle coulait un regard dans la direction de leur sauveteur providentiel. Pas de doute, c'était bien Alex Bloker, l'homme qu'elle avait espéré ne jamais revoir, et qui hantait pourtant ses nuits depuis bientôt 5 ans. Cet homme-là était la pire et la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. À l'aide de couvertures, il installa la fillette le plus confortablement possible sur le sol détrempé. « J'ai reçu une formation en sauvetage, » précisa-t-il. « Cette petite fille s'appelle Laetitia. Je pense qu'elle n'a rien. Elle est trempée, elle a froid et elle a peur, mais je ne vois aucune blessure ou traumatisme apparent. » Il ne semblait pas l'avoir reconnue, mais peut-être se sentait-il aussi mal à l'aise qu'elle devant cette rencontre inattendue, pensa la jeune femme. « Merci, Alex, » dit-elle, le regardant droit dans les yeux. Les prunelles sombres de l'homme s'éclairèrent. « Bonjour, Messie. Apparemment, tu as obtenu ton diplôme de médecin. »« Oui. J'aimerais bien bavarder un moment avec toi. Nous avons une longue nuit en perspective, et je dois m'occuper tout de suite de Laetitia. Elle souffre peut-être de lésions internes. Il faudrait la garder sous surveillance. Où sont tes parents ?» D'un mouvement de tête, Alex désigna une femme en pleurs effondrée sur une forme recouverte d'un drap. « Là-bas. Je pense que tu n'as pas besoin de précision. » Bouleversée, Marie hocha la tête. Malgré la gravité de la situation, elle avait espéré qu'aucun décès ne serait à déplorer. Elle n'avait jamais rencontré le père de Laetitia Hayley, mais elle avait déjà reçu la fillette et sa mère en consultation. Inspirant profondément, elle détourna les yeux. Aussi triste que fut la mort de M. Hayley, elle n'avait pas le temps d'y penser. Pas maintenant. J'ai installé les cas les plus graves à côté de la voiture du shérif. Je pensais que tu aurais besoin de lumière pour les examiner. Bien vu, répondit Messie d'une voix enrouée en essayant de retenir ses larmes devant Laetitia, qu'elle rassura d'un sourire. D'un doigt sous son menton, Alex lui fit relever la tête. Il sourit, puis il referma doucement ses bras autour d'elle. L'espace d'un instant, la jeune femme oublia tout ce qui l'entourait et se laissa envahir par cette sensation extraordinaire de bien-être, le même qu'elle avait éprouvé il y a si longtemps déjà. Nous y arriverons, murmura-t-il avant de s'écarter. Puis il entreprit de dégager un espace au milieu des débris. Il travaillait vite, et ses gestes sûrs et précis révélaient l'homme habitué aux situations d'urgence. « Pour que l'hélicoptère puisse atterrir, » expliqua-t-il sans interrompre sa tâche. Après quelques instants de flottement, Messie porta de nouveau toute son attention sur les cas les plus graves, ou du moins la plus grande partie de son attention, car après toutes ces années, elle mourait d'envie de regarder Alex pendant qu'il travaillait. Mais elle se reprit bien vite. Cet homme-là lui avait fait clairement comprendre, 5 ans plus tôt, qu'elle ne l'intéressait pas, et il n'avait jamais donné le moindre signe de vie depuis. En tout cas, il savait s'y prendre en matière de tri des blessés. Aucune erreur. Il n'y avait que 2 cas graves, un traumatisme crânien et une possible lésion de la moelle épinière. Messi fit le maximum pour les stabiliser en attendant leur évacuation pour vers un hôpital de Florence ou de Columbia. D'autres personnes avaient besoin d'attelles et de pansements. Pour d'autres, enfin, un abri et des boissons chaudes suffiraient. Une voiture de police venait d'arriver. Le shérif McEachern en descendit, laissant le moteur en marche et les phares allumés. Du regard, il évalua les dégâts et baissa brusquement la tête quand une bouteille de propane explosa de l'autre côté du parking, ajoutant de nouvelles flammes orange à la scène. Puis il s'avança vers Messi, qui s'activait à genoux à côté d'un blessé. « Une équipe médicale va arriver avec l'hélico pour évacuer les cas graves, » annonça-t-il. « Dans combien de temps ? Je pourrais traiter certains patients au dispensaire, à supposer que j'ai encore un dispensaire. Mais j'ai 2 blessés qui ont besoin de soins spécialisés que je ne peux pas donner. » « Le dispensaire est toujours debout, » assura le shérif. « Il a subi quelques dégâts mineurs, mais le générateur fonctionne. Une de vos infirmières s'y trouve et elle a commencé de donner le premier soin aux gens qui viennent. Je pense que les routes seront dégagées entre ici et là-bas quand l'hélicoptère arrivera. » Quelques instants plus tard, un appareil se détacha des épais nuages et le bruit de ses rotors résonna aux oreilles de Messie comme une véritable musique. McEachern eut un large sourire. « Vous voyez, la cavalerie arrive !» Messie acquiesça avant de se retourner vers son patient. Celui-ci était comateux et c'était difficile de faire un monitoring sans son matériel. Dans ces circonstances, l'arrivée de l'hélicoptère représentait un véritable cadeau du ciel. Alex dirigea l'atterrissage à l'aide de lampes torches et l'hélicoptère se posa dans l'espace dégagé, soulevant l'eau froide de mare boueuse qui éclaboussa tout le monde. Messi frissonna puis se dirigea vers l'appareil pour donner ses indications. « Dès que ces 2 cas prioritaires auront été évacués, il faudra aller voir au dispensaire, s'il y a des urgences !» cria-t-elle au pilote pour couvrir le bruit de moteur. Puis, après avoir aidé au premier embarquement, elle retourna auprès des blessés légers qui avaient encore besoin d'elle. « Pour un retour au pays, c'est réussi !» murmura Alex en regardant l'hélicoptère décoller, avec, à son bord, les blessés les plus gravement atteints. Il venait de revenir de Lindenville, sa ville natale, et à peine installé dans la chambre d'amis de la maison de sa grand-mère, les sirènes avaient retenti. Il avait alors entraîné grand-mère Willaden à l'abri de la cave. Et là, il avait attendu le signal indiquant la fin de la tornade. Puis il avait quitté la maison pour offrir ses services. Le sergent-chef Alex Blocker était en permission. Récemment blessé au genou en sauvant la vie d'un homme de son groupe dont le parachute avait eu un problème 4 500 mètres d'altitude. Il devait songer à sa reconversion. Le parachutisme représentait une partie essentielle de son travail en tant que membre de la Silver Team, une des sections d'élite de son escadron de combat. Mais continuer les sauts après cet accident n'aurait pas été raisonnable. On lui avait donc proposé une place de recruteur à Florence, à proximité de Lindenville. Il allait profiter de sa mission pour se rendre à cet entretien d'embauche. Mais son retour au pays lui inspirait des sentiments contradictoires. Considérant que Lindenville n'offrait aucun intérêt, il l'avait quitté dès qu'il l'avait pu. Mais apparemment, la vie le ramenait à son point de départ. Seule la joie d'être présent pour le 75e anniversaire de sa grand-mère, qu'il aimait tendrement, le rendait moins amer. Et peut-être aussi le plaisir d'avoir revu Missy Jackson. Il lança un coup d'œil en direction de la jeune femme qui dirigeait un groupe de patients vers sa propre voiture, et d'étranges émotions se réveillèrent en lui. Il chassa un souvenir de draps froissés et de corps mêlés, et reprit son travail du déblaiement. Les heures qui suivirent la catastrophe furent éprouvantes, pour tout le monde, mais Alex était content de travailler et de se rendre utile. Armé d'une tronçonneuse louée, il avait ôté de diverses chaussées une forêt de branches tombées, et maintenant, voitures et camions recommençaient à circuler. Il s'octroya une pause, et le vent d'automne sur sa peau moite le fit frissonner. Il avala un soda, puis du café chaud qu'on lui avait offert. Peu à peu, les gens étaient sortis des maisons ou des abris pour reprendre une vie normale, ou du moins, aussi normale que possible étant donné les circonstances. Il s'appuya contre son 4x4 de location, qu'il avait garé devant un drugstore et regarda autour de lui, se demandant ce qu'il pouvait faire. Il restait encore beaucoup de dégâts à réparer, et il était bien trop tôt dans la journée pour rentrer chez grand-mère Willadin. Pourtant, il était très fatigué, mais cela ne le gênait pas vraiment. En tant que membre d'un commando parachutiste, il avait passé assez de nuits sans sommeil pour s'y habituer. Mais il pensa aux volontaires, les gens comme Missy, pour qui cela devait poser plus de problèmes. Missy. Il essaya de l'imaginer dans son dispensaire, mais très vite il chassa cette pensée. Pour l'instant, il avait bien autre chose à faire que de rêvasser, et sa maudite jambe commençait à lui faire très mal. Qu'importe! Bientôt, il aurait tout le temps de s'occuper de son genou, quand il serait au chômage, ou recruteur. Que ce soit l'un ou l'autre, peu lui importait. Dans les deux cas, il n'aurait pas à se lever au milieu de la nuit ou à travailler pendant plusieurs jours d'affilée sans dormir. Après tout, ce n'était peut-être pas si mal d'être exclu des commandos pour raisons médicales. Mais à quoi bon se mentir? Il redoutait ce changement. Il avait tout fait pour devenir un soldat d'élite. À présent, il était trop vieux pour recommencer au bas de l'échelle notre métier de l'armée de l'air. « Il est à vous, ce 4x4 ?» Arraché à ses pensées, Alex sursauta. Il n'avait pas vu s'approcher l'homme qui venait de lui parler. « Oui ?»« Savez-vous où se trouve le dispensaire du docteur Jackson ?»« Non, mais je peux sûrement le trouver. »« Elle a besoin de certaines fournitures et je n'ai plus de moyens de transport pour les lui livrer. » D'un mouvement de la tête, l'homme désigna une voiture à demi ensevelie sous les branches. « Je peux m'en charger ?» proposa Alex. L'homme sourit, ce qui lui donna l'aspect d'une citrouille sculptée d'Halloween. « Vous me sauvez la vie. Vous savez où se trouvait dans le temps le dispensaire du docteur Cranston ?» Alex acquiesça. « Laissez-moi juste le temps d'enfiler un vêtement sec, et je m'occupe de votre livraison. » Pendant qu'il ôtait sa chemise humide et enfilait un chandail de l'armée, l'homme rentra dans le magasin et ressortit avec plusieurs boîtes en carton. « Je suis sûr que le docteur Jackson sera content de recevoir tout ça, » dit Alex en souriant. Et lui-même n'était pas mécontent de revoir le docteur Jackson. Missy avait accordé à son infirmière une pause en famille pendant une accalmie, mais à présent elle le regrettait amèrement. Elle se renversa dans son fauteuil en soupirant, épuisée. Elle savait que si elle avait le malheur de fermer les yeux, ne serait-ce que quelques secondes, elle s'endormirait pour 48 heures d'affilée. Chaque fois que l'afflux de blessés semblait se tarir, un autre flot se présentait. Pour l'instant, la salle d'attente était miraculeusement vide. C'était une occasion rêvée de profiter du calme. Après avoir hésité un bref instant, la jeune femme ferma les yeux en posant les pieds sur un tabouret et tenta de puiser au plus profond d'elle-même un reste d'énergie. Malheureusement, le grincement familier de la porte annonça une nouvelle arrivée. « Je suis à vous dans un instant !» annonça-t-elle d'une voix éteinte, n'ayant pas encore la force d'ouvrir les paupières. Deux grandes mains se posèrent alors sur ses épaules et entreprirent de les masser. Malgré sa surprise, Messi s'abandonna à l'action revigorante des doigts experts sur son dos douloureux. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous êtes célibataire, voulez-vous m'épouser ? » murmura-t-elle. « C'est la proposition la plus sympathique qu'on m'ait faite depuis longtemps. » Messi s'écarta vivement. « Alex ! » s'exclama-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais là ? » ?»« Le gérant du drugstore près du parking Farron m'a envoyé ici faire une livraison. »« Et évidemment, c'est toi qui as proposé tes services !» répliqua sèchement Messi pour cacher son trouble. S'efforçant de garder contenance, elle rejeta en arrière plusieurs boucles brunes vagabondes et lissa de la paume le devant de sa blouse blanche. Puis elle se leva. Alex était magnifique. Malheureusement, un sweatshirt dissimulait sa superbe musculature. Un étrange picotement parcourut Messi tout entière. Non, on m'a désigné d'office. Le cœur de la jeune femme battait à un rythme fou, et ses oreilles bourdonnaient. Mais c'était sûrement l'effet de la fatigue ou de la surprise, et non celui d'une attirance physique. Cette dernière hypothèse était tout simplement impossible, car elle n'avait jamais de réaction de ce genre. Enfin, elle n'avait plus jamais eu de réaction de ce genre depuis... L'idée qu'elle ait demandé à Alex de l'épouser l'emplissait d'une intense confusion. Elle avait des choses bien plus importantes à faire dans la vie que de séduire des hommes. Il y avait eu cette unique exception, 5 ans plus tôt, avec Alex justement. Mais elle n'aimait guère y repenser. Pourquoi était-il donc revenu à Lindenville ? Pendant qu'elle essayait de remettre dans l'ordre dans ses pensées, Alex était sorti. Il réapparut bientôt chargé de fournitures. « Où veux-tu que je te pose tout ça ? C'est lourd. » Messi se sentit rougir. « Excuse-moi, je suis si épuisée ce soir que je n'ai plus les idées très claires. » L'excuse était logique, mais les images particulièrement sexy de cet homme qui défilait dans sa tête sans qu'elle puisse les arrêter l'étaient beaucoup moins. Ce qu'il fallait à présent, c'était se concentrer sur la tâche à accomplir. Elle aurait tout le temps, plus tard, de songer à son unique nuit avec Alex. Un moment d'égarement regrettable, mais qui lui avait offert le plus beau des cadeaux. « Je vais regarder ce que tu m'apportes, » reprit-elle d'une voix ferme. « C'est calme depuis un petit moment, mais je crains que la pause ne soit de courte durée. Je vais ranger un maximum de fournitures avant un nouveau flot de patients. »« Montre-moi l'endroit. » Ignorant de son mieux les ondes qui vibraient entre eux, Messi entr'ouvrit le premier carton de la pile qu'Alex tenait toujours. « Apparemment, c'est du matériel de première urgence. Je vais le placer à portée de main. » dit-elle, réfléchissant tout haut. La plupart de mes patients, cet après-midi, souffrent surtout de fractures et de plaies. Elle fit entrer Alex dans l'une des deux salles d'examen, et il posa les cartons sur le carrelage près de la table. « Veux-tu que je répartisse ce matériel pour que tu en aies dans chaque pièce ?» Comment n'y avait-elle pas pensé elle-même ? Était-elle vraiment épuisée à ce point, ou était-ce la présence de cet homme qui la perturbait ?« C'est une excellente idée, » dit-elle. Alex se mit immédiatement au travail. Et Messi ouvrit un autre colis. Essayant d'ignorer la troublante présence virile, elle se concentra sur le rangement à effectuer. « Terminé. Je pense que tout est bien en ordre, » dit Alex. « Il paraît que les quartiers neufs de la ville n'ont presque pas été touchés par la tornade. » « C'est vrai. Quelques arbres sont tombés, mais la tornade est passée à côté. » Alex s'apprêta à répondre, mais la porte du dispensaire s'ouvrit brusquement. « Docteur Jackson, j'ai besoin d'aide. Mon fils est là, dehors, il est gravement blessé. » supplia visiblement paniqué un homme d'une 50aine d'années. Dans le parking du dispensaire, Messi aperçut une femme penchée sur un garçon. Celui-ci, pâle de douleur, était étendu sur le plateau d'un vieux pick-up. Une bouffée de vent dans les pins, trempée de pluie, projeta sur le parking une nuée de gouttelettes froides qui fit frissonner la jeune femme. « Il faut le transporter à l'intérieur, » dit-elle soucieuse, avant d'adresser au garçon quelques mots rassurants. « As-tu une gouttière pour son dos ?» demanda calmement Alex qui l'avait rejointe. Elle fut étonnée qu'il ait deviné ses craintes. Le garçon pouvait en effet souffrir d'une lésion de la colonne vertébrale, et il fallait éviter tout déplacement malencontreux qui risquerait d'aggraver la situation. « Oui, dans la réserve, » répondit-elle. Pendant qu'il retournait au dispensaire, Messi grimpa sur le plateau de la voiture pour mieux examiner le blessé. La gouttière n'était probablement pas nécessaire, mais le garçon serait mieux installé pour le transport. Le technicien qui d'habitude s'occupait de l'appareil de radiologie portatif n'était pas arrivé. Aussi, Messi devrait-elle se charger de tout faire elle-même. C'était déjà une chance qu'Alex possède des notions de secourisme. Il allait l'aider. Tant pis si sa présence la perturbait un peu. Je ne pourrais pas faire grand-chose pour lui ici, à part le soulager de sa douleur en attendant son transfert à l'hôpital de Florence, dit-elle. Et moi, qu'est-ce que je peux faire ? Demanda le père inquiet. Quand Alex reviendra avec la gouttière, vous l'aiderez à transporter votre fils dans le dispensaire. En attendant, je vais appeler l'hôpital de Florence pour demander s'ils peuvent envoyer une ambulance. Sinon, vous devrez peut-être l'emmener là-bas par vos propres moyens. Alex suivit des yeux l'ambulance qui quittait le parking du dispensaire. Puis il reporta brièvement son regard sur Messi. Elle devait être à bout de force, à en juger par l'affaissement de ses épaules. Elle était pâle et des cernes ombraient le dessous de ses yeux. Ses cheveux châtains, réunis d'ordinaire en chignon net, retombaient libres en boucles folles sur ses épaules. Elle s'appuya contre le montant de la porte d'entrée. « Rentre !» suggéra-t-il en lui prenant la main. La jeune femme se laissa docilement emmener à l'intérieur. « Tu boites ? » dit-elle. « Non, » répondit-il, dissimulant sa contrariété. « Si, tu boites. Viens dans mon bureau, je vais regarder ça. » Alex soupira, agacé. Il ne voulait surtout pas qu'elle le touche. « C'est seulement une vieille blessure qui a mis longtemps à guérir et qui m'ennuie toujours quand il pleut. » « Raison de plus pour que j'y jette un coup d'œil. La plaie a dû se rouvrir. »« Elle a guéri la première fois, elle guérira encore. »« Ce n'est pas sûr. Ôte ton pantalon, » ordonna-t-elle. « Est-ce vraiment nécessaire ?» L'ordre innocent de Messi venait instantanément d'ouvrir la porte à des scènes délirantes qui ne laisseraient sûrement pas son pauvre corps indifférent. « Oh, je t'en prie. Je ne pourrais pas examiner ta jambe si tu ne te déshabilles pas. J'ai une grande habitude de l'anatomie masculine. Je ne vais pas m'évanouir. » Non, bien sûr, mais c'était peut-être lui qui allait tomber en syncope. Cependant, ne voulant pas aggraver sa blessure au genou, il obtempéra, inquiet. « Je vais tout préparer pour la radio, » reprit Messi en quittant la pièce. Alex en profita pour ôter ses chaussures, puis, très vite, son jean humide. Il trouva non loin de lui un de ces draps qu'on utilise dans les salles d'examen, et s'enroula dedans. Cela lui était égal que Messi regarde sa jambe, mais il ne voulait pas qu'elle voie ce qu'elle provoquait dès que ses doigts le touchaient. Messi rentra en coup de vent, l'air très professionnel, et elle haussa un sourcil en voyant la cicatrice qui marquait son genou. « Quand est-ce arrivé ?»« L'été dernier, » marmonna-t-il. Il lui était difficile de penser et encore plus de parler, avec ses mains douces qui palpaient sa jambe. Mais il s'obligea à poursuivre. « C'est la raison de ma présence ici. Je dois passer un entretien pour un travail à Florence, un travail qui n'exigerait pas que je saute en parachute. » Messi palpait le pourtour de la cicatrice encore rouge, et il réprima une grimace quand elle trouva un point particulièrement sensible. « Ça fait mal ?»« J'ai l'impression que l'on m'enfonce une aiguille chauffée au rouge. » »« La radio me permettra de m'en assurer, mais je pense que tu as simplement trop forcé. Apparemment, la plaie ne s'est pas ouverte. »« Ce diagnostic-là, j'aurais très bien pu le faire. » Sans répondre, Messi passa dans la pièce voisine et en revint avec un appareil à radiographie portatif. Alex serra les dents pendant qu'elle le plaçait correctement et qu'elle prenait les clichés. Après un temps qui lui sembla interminable, la jeune femme appliqua les radios sur le négatoscope et les scruta avec la plus grande attention. « Apparemment, tu as eu de la chance. Je ne vois ni enflure ni nouvelle lésion. Nous allons faire un bandage et tu rentreras chez toi pour te reposer. » Elle prit dans le placard un rouleau de bande. « Je peux le faire moi-même. »« Bien sûr, mais ici, c'est moi qui soigne. » répliqua Messi en enroulant adroitement la bande autour du genou. Alex exécuta un salut moqueur et afficha un sourire malicieux. « Oui, madame. Je vous remercie beaucoup, madame. »« Pas de merci, » répondit Messi en souriant aussi. « C'est moi qui te suis redevable. Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier ?» Les cheveux de la jeune femme retombaient en cascade sur ses épaules et il mourait d'envie de passer ses doigts dans ses mèches soyeuses. Oui, il y avait bien un moyen de le remercier. Mais oserait-il le lui demander ? Il s'éclaircit la voix. Un petit baiser me paraîtrait un juste paiement. En souvenir du bon vieux temps. Voilà, nous arrivons à la fin de ce chapitre 1. C'était une voix dans la nuit qui vous racontait un aveu difficile de Bonnie Gardner, collection Harlequin. Rendez-vous demain pour le chapitre 2, même heure. En attendant, dormez bien. Et n'oubliez pas de faire plein de rêves pour les raconter sur la matinale des bons confinés. Voilà, je vous laisse. Gros bisous.